On a le plaisir d'avoir avec nous l'auteur Serge Gaboury. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Gaboury, en fait, j'ai l'impression que c'est en fait, j'avais envie de dire enfin quand j'ai vu apparaître ce livre-là, la programmation d'un éditeur à quelque part. Vous avez été, on le rappelle, des 189 numéros du magazine Cro. Vous collaborez à de nombreux magazines, dont Safarir, Les Débrouillards, Délire, plusieurs au fil des années. En fait, la liste est imposante. Vous êtes très présent dans la sphère du magazine. Vous avez fait de l'animation web, l'animation télé également. Et pour l'essentiel, en dehors d'anthologies qui ont été publiées entre 82 puis 96, ben dans ces dernières décennies, j'ai envie de dire, vous étiez malheureusement un peu plus absent des étals des libraires. Et donc, c'est un peu une occasion pour nous de redécouvrir vos planches et pour vous ben, de reprendre une place méritée, dans le fond, dans les librairies. Là. Oui. Que dire de plus? En fait, j'ai toujours préféré travailler pour des périodiques, des magazines, des journaux, pour simplement pour une question de survie, parce que j'ai besoin, je sais pas comment les autres fonctionnent, mais moi personnellement j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, la nourriture, etc. Et puis en tout cas, moi mon expérience c'est que c'est difficile de le faire en publiant des albums. Et comme quand j'ai commencé déjà à 25 ans, mon premier enfant venait au monde, ma fille la plus vieille, donc c'est les questions de sous, de base, était primordial déjà au départ. Mm-hmm. Donc, ma carrière s'est orientée vers là. Dès le début, j'avais fait un album, je me souviens qu'il s'appelait Le Mangeur d'étoiles, puis l'éditeur voulait que j'en fasse un deuxième, et puis j'en ai pas fait deuxième parce qu'on s'est pas entendu pour l'avance de droit. Mm-hmm. Puis j'avais des choses à publier dans les magazines. Et puis, alors, c'est pour ça que dans les dernières années, j'ai pas fait vraiment d'album. Il fallait avoir la bonne offre, il fallait avoir la bonne occasion pour aussi se donner l'opportunité d'aller chercher le matériel qui était déjà existant et de faire une proposition d'édition qui était pertinente d'une certaine oui, façon. Oui, ben c'est ça, c'est que le problème avec les pages que j'ai fait dans Cro, y a beaucoup de gens qui, ça arrivait souvent que les gens me disaient tu devrais faire un recueil avec ça, puis j'étais bien d'accord. Et puis j'ai été approché peut-être par au moins un éditeur avant Perrault ou deux. Mais ça allait jamais plus loin, la discussion n'allait pas très loin, parce qu'à un moment donné, je disais, ben écoute, les pages couleurs, la couleur doit être faite, parce que les originaux couleurs sont pas en bon état. Moi, je travaillais à la gouache, surtout au début, puis je faisais imprimer le noir sur un plastique, et puis quand j'ai serré ça, j'ai mis ça un par-dessus l'autre, évidemment, puis là, après des années, là, on parle des premières pages, c'était en 1980. Enfin, j'ai l'impression que quand on commence, on se dit pas, bon, OK, il faut que je les conserve pour la postérité, on avance, puis... Moi, j'avais pas le temps, là, de m'occuper de ça. J'ai jamais été très collectionneur dans l'âme, et puis... Je gardais mes originaux, mais bon, je peux pas dire que je les entreposais avec un soin extrême. Puis donc, là, on pouvait pas se servir de ça pour faire la couleur. Donc, il fallait refaire la couleur. Puis, à ce moment-là, l'éditeur me disait toujours, « Oui, d'accord, faites-le. » Ben, je disais, « Oui, mais ça va me prendre une avance de droit. » Puis la discussion arrêtait là, parce qu'il n'était pas question de donner une avance de droit. En tout cas, dans mon expérience avec les éditeurs québécois, c'est une chose qui se fait fréquemment en Europe, mais on n'a pas, on parle pas des mêmes chiffres de vente. Et puis, ce qui est arrivé avec Perrault, c'est que je pense que, comme c'était Patrick Marleau qui lui tenait, c'est lui qui m'avait amené les autres éditeurs avant, et puis je pense qu'il s'est dit, le vieux Malcommode, on va avoir de la misère avec encore, et puis il a dû en parler à Brian Perrault, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y avait une réponse prête quand je lui ai dit ça, il a dit, ben écoute... on va les faire, nous autres, les couleurs. On va les refaire. J'ai une graphiste, puis on va les faire. Donc, ils l'ont fait. Ils l'ont refait à l'ordinateur. J'ai fourni les scans, et puis ça a donné un excellent résultat, je pense. Et au niveau de la sélection des planches, on parle quand même donc de 128 planches couleurs. Oui. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est de leur côté? Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est conjointement? Ben, on s'est parlé, mais je pense que la première sélection, je lui ai dit, Patrick, si tu veux la faire, vas-y. Parce que je pense que c'est peut-être difficile de prendre un recul quand on a fait les choses soi-même. C'est-à-dire que moi, je me semble que Patrick, c'est un gars qui quand même... Patrick Marleau, c'est quand même... J'imagine que vous devez le connaître. C'est quelqu'un qui est très actif dans le milieu de la bande dessinée, connaît ça beaucoup. C'est lui le directeur de la collection BD chez Perrault. Je lui ai dit, ben choisis, puis moi, je vais regarder ça. Puis on a peut-être changé quelques pages, mais il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix, puis en même temps, comme vous dites, des fois avec un recul, on est en mesure de juger de l'efficacité du gag plutôt que, j'imagine aussi, d'un côté émotif parfois à certaines planches, d'un côté anecdotique aussi, parce que vous avez vécu la création de ces planches-là, ouais. qui sont pas juste les planches du magazine Crow, mais qui sont aussi un moment, j'imagine, à certains égards, pour certaines du moins. Ben oui, j'ai fait ces pages-là entre 25 et 40 ans. J'ai commencé, j'avais 25 ans, un Crow fini, j'avais 40 ans. Mes enfants, j'ai vu mes enfants grandir, j'ai fait toutes mes années de la trentaine avec les jeunes enfants, j'avais deux filles, la maison, la petite famille, tout ça, ça a été comme, ça s'est passé en même temps, donc c'est sûr qu'il y a des souvenirs qui sont rattachés, des souvenirs personnels qui sont rattachés à certaines choses que j'ai faites dans ce temps-là. Et je pense que c'était mieux que quelqu'un d'autre fasse le choix, finalement. Et en même temps, j'imagine aussi au fil des planches, au fil des magazines, au fil du temps, il y a une notion d'apprentissage, de recherche, dans la mesure où vous aviez commencé un peu dans le fil des événements ici à Québec. Ensuite, vous étiez passé vers le magazine Crow et vous avez commencé, en fait, ça a été la lancée. Et d'une certaine façon, ben un travail, c'est un travail hebdomadaire, 3 planches par mois livrées, des illustrations. Ouais. Une occasion, j'imagine aussi, un peu le blog d'aujourd'hui, où il devait avoir quand même pas mal de rétroactions, oui, avec l'éditeur, mais aussi avec des lecteurs, etc. Le blog? Oui, ben en fait, sur Internet, oui. Ben écoutez... c'est un parallèle que je faisais, je me disais, c'est un peu la dynamique du périodique, parce qu'il devait avoir une rétroaction aussi avec les lecteurs qui était assez récurrente. Ah oui, j'ai... ben en fait, c'était... évidemment, sur le plan des communications, on parle pas du même... C'était pas le même paysage que maintenant. Là. Mmh. Aujourd'hui, la effectivement. La rétroaction, le feedback fait partie de la communication, surtout quand on parle des réseaux sociaux et tout ça, mais... À l'époque de Crow, on recevait des lettres, oui, effectivement. J'en ai encore, je pense que j'en ai gardé des fois. Il y a toutes sortes de choses. Mais pour que quelqu'un prenne la peine de prendre un papier et un crayon, puis d'écrire une lettre, de la mettre dans une enveloppe, la poster, ça demandait un peu plus d'effort. Oui, qu'un commentaire Facebook. Qu'un commentaire Facebook, c'est ça. Tu sais, que de cliquer sur « j'aime », c'était différent un petit peu. Et j'allais dire, en fait, au début, est-ce qu'on pourrait dire que vos influences étaient un peu, je dirais, cinématographiques, un peu référence à la Warners, avec quand même pas mal de cadres panoramiques que vous utilisiez aussi? Oui, ben en fait, si je me souviens bien, ce qui est arrivé, c'est que dans les dernières années de mes études, je les ai passées à faire de l'animation. En fait, c'est ce que je faisais surtout. Je faisais du dessin et de l'illustration aussi, mais à l'Université Laval, il y avait un beau secteur animation, une belle section animation. Puis le professeur me laissait faire pas mal ce que je voulais. Puis j'ai fait des cartoons de ce type-là. Je voulais travailler dans ça. Et puis je m'intéressais beaucoup à la bande dessinée et au dessin animé. Je pense que j'avais un peu le dessin animé en tête quand j'ai fait mes premières pages pour Crow, les cadres panoramiques, horizontaux. Effectivement, il y avait comme une référence au cinéma dans ça. Mais aussi, c'est comme si j'ai eu comme une espèce de flash où, parce que j'avais jamais vu ça ailleurs, ça, une page de gag avec seulement 4 cases. Ça s'est vu après, il y a d'autres mm-hmm. auteurs qui l'ont fait, mais moi, quand je l'ai fait, je l'avais jamais vu ailleurs. Puis c'est comme une espèce de flash que j'ai eu. Je lui ai dit, tiens, ça serait le fun, je vais essayer ça. Je voulais essayer d'utiliser les mêmes mécaniques que les auteurs américains de bandes dessinées de journaux utilisent. Mm-hmm. Vous savez, avec des dessins où est-ce que la même image se répète, mettons, 4 fois avec de petites différences, mais des différences très importantes. Tu sais. Et puis, je dis, comme c'était un magazine, on met de la couleur, puis je voulais créer une atmosphère là-dedans là, aussi. Alors... Oui, puis en même temps, il y a quand même quelque chose qui ressort aussi assez bien, je pense, de la sélection du recueil, dans la mesure où il y a quand même plusieurs structures. C'est pas redondant au niveau de la construction des planches. Il y a l'idée des 4 cases panoramiques. On va à l'autre extrême aussi. Vous en avez fait des 48 cases sur une planche. Donc là, on va complètement dans quelque chose d'autre où ça devient un mini récit fleuve, là. Ouais, ben j'ai essayé plusieurs choses. J'en ai même fait avec plus de cases que ça encore, je pense. Parce qu'il y a une série, j'ai fait une série vers la fin du magazine avec le personnage J.A. Tremblay, mm-hmm. qu'on n'a pas mis dans le recueil. Mais dans les bandes dessinées de Y.A. Tremblay, il y avait des histoires qui avaient vraiment, vraiment beaucoup de cases en une page. J'ai essayé toutes sortes de façons de diviser la page pour créer des effets visuels différents. Il y a une structure que j'utilisais souvent aussi, c'est la structure en quatre cases, mais avec une grande case dans le bas, puis trois petites cases dans le haut. Puis dans la case du bas, il y avait un gag, mais il y avait surtout beaucoup de détails aussi humoristiques autour. Tu sais, c'était une autre structure. Je me suis amusé beaucoup à jouer avec ça parce que la job que j'avais à faire pour Crow, c'était de faire des pages drôles. Alors, puis j'essayais de varier. Je n'aurais pas pu faire 15 ans en utilisant toujours la même structure. Donc, je variais de cette façon-là. Oui, puis ça permet de varier le rythme du gag, ça permet de varier l'attente, varier la relation, finalement, qu'on a, le lecteur, avec ce gag-là aussi. Oui, oui, oui. C'est parce que nécessairement, quand on arrive, par exemple, avec justement les trois cases en haut, la grosse case en bas, ben on l'a vu un peu, notre œil va de cette case-là, on voit un peu où ça va, on voit où ça nous, comment on y vient, puis après ça, on y revient avec un autre regard, avec une autre impression. Oui, c'est drôle parce que l'an dernier, j'ai lu un blog écrit par un anglophone qui parle d'auteurs de bande dessinée qu'il aime, lui, mais dont on ne parle pas souvent. Mm-hmm. Alors, il en a fait une sur moi. Et il faisait une espèce d'analyse des structures, des gags que j'utilisais dans Crow. Puis c'est comme si j'avais jamais vraiment pensé à ça. Puis en lisant ça, j'ai réalisé que effectivement c'est ça que je faisais. Donc j'imagine en créant, en disant, ok, on essaie de se donner les contraintes ou de se donner la contrainte de varier un peu pour rester sur le bout de notre siège, on peut dire, pas éventuellement tomber dans un confort où la mise en danger est absente ou peut-être l'inspiration s'en va aussi un peu. Ben l'affaire, ce qui est spécial avec l'humour, c'est que il y a une espèce d'idée reçue qui veut que faire de l'humour avec des personnages avec des gros nez, faire rire les gens, c'est tomber dans la facilité. Ça, c'est une chose qu'on entend souvent, parce que pour beaucoup de gens, l'humour, c'est pas bien parce que c'est pas assez sérieux. T'sais. Donc, comme c'est pas sérieux, ben c'est de la facilité. Mais en réalité, il n'y a rien de plus difficile que ça, je pense. Réussir avec une page à provoquer un éclat de rire, c'est extrêmement difficile, mais j'imagine que ça doit être la même chose avec pour quelqu'un qui est sur une scène, un humoriste de scène, réussir à provoquer des éclats de rire. La difficulté particulière quand on le fait avec des dessins, c'est qu'on n'a pas de public, on n'a pas de réaction. Le type qui fait un spectacle soir après soir, à un moment donné, il sait que s'il dit son gag d'une certaine façon, il va faire rire les gens parce qu'il les entend rire. Mm-hmm. Alors que quand on le dessine, ce qu'on veut, c'est provoquer une réaction de rire, mais on n'a rien d'autre pour se guider que son instinct. Mm-hmm. Et puis ça, c'est vraiment très difficile. On peut pas partir avec sa page et puis aller la tester, prendre un échantillonnage. On peut pas faire des focus group tout le temps pour savoir si un gag est drôle ou s'il l'est pas. Donc, c'est vraiment pas facile. Les gens qui pensent que c'est de la facilité, là, ils se trompent. Ça ne l'est pas. Oui, en fait, en entrevue, vous aviez dit que c'était excessivement difficile de pondre un gag, que l'humour était une mécanique fragile, exigeant précision et concision. Oui. Et c'est vrai, parce que si on en met un peu trop, on tue notre gag. Si on n'en met pas assez, on a peut-être mal amené la chute, etc. Donc, il y a une question de timing, puis il y a une question d'éléments dans la composition des cases, sur quoi on met l'emphase, sur quel élément, sur qu'est-ce qui va servir, etc. Oui, puis ça m'a amené à ne volontairement mettre assez peu de décors, de trucs comme ça qui sont très valorisants en bande dessinée. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts en BD qui vont juger une bande dessinée en regardant les décors, voir s'il y a des belles perspectives, s'il y a du détail, si c'est bien documenté, puis ils se pompent sur le fait qu'on reconnaît telle ville, etc., etc. Moi, dans mon cas, quand je faisais les pages pour Crow, je le faisais pas parce que si je faisais ça, ça créait une entrave à la réaction que je voulais obtenir, qui était le rire du lecteur. Parce que si je mettais trop de décors, trop de choses, trop de détails alentour, ben là, il se perd là-dedans, puis à un moment donné, tu perds le timing de ton... Puis le timing, c'est la clé, là. C'est la chose numéro un. Là. De la même façon qu'un comique doit avoir un bon timing sur scène, un dessin, je sais pas si je l'exprime bien, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de diriger l'œil du lecteur là où on veut qu'il aille et à la vitesse, à une certaine vitesse, c'est-à-dire qu'il faut que ça se passe assez vite pour qu'il y ait une surprise, pour pas qu'il y ait de fatigue de la part du lecteur. Un peu comme vous disiez, en fait, quand vous arrivez avec votre formule, trois petites cases avec la grosse, mais la grosse, c'est OK, on peut donner du détail, on peut donner du matériel, parce qu'on sait que le lecteur va passer du temps, il finit là-dessus, c'est passe le temps qu'il veut. Oui. Mais les trois premières, il faut qu'il se rende au rythme qu'on veut pour arriver à la quatrième. Oui, ben c'est ça. Puis surtout... Puis quand je parle de timing, le timing, c'est, ça veut dire, c'est, en français, c'est minutage, là. C'est que ça se déroule dans le temps, une bande dessinée, puis il y a les dessins, il y a ce qu'on met dedans, puis il y a ce qui se passe entre les dessins qui est très, très important. C'est que c'est très, très complexe, même si ça peut avoir l'air simple, surtout une bande dessinée d'humour, comme je faisais à l'époque pour Crow. Ça peut avoir, de manière trompeuse, avoir l'air très simple, mais en réalité, la mécanique interne de tout ça est extrêmement complexe. Puis on peut. J'ai passé vraiment de longs moments à me creuser la tête là, pour trouver ces idées-là, puis trouver comment les faire, etc., etc. Je m'en souviens encore. C'était vraiment pas facile. Puis en même temps, en fait, si on parle des gags de Crow aussi, il y a toujours aussi cette volonté chez Serge Gabouri d'avoir une réflexion aussi, de pas justement faire de l'humour pour l'humour, mais que. Au terme du gag, il y a quand même quelque chose à jaser aussi, que ce soit avec vous ou avec un proche, avec quelqu'un d'autre qui a lu le gag. Ben OK, c'est quoi l'opinion? C'est quoi le petit côté éditorial, le petit côté réflexif, si on peut dire? Il y a toujours cette volonté-là dans chaque planche. Là. Mais en fait, moi, j'ai toujours voulu faire de l'humour, puis pas seulement dans Crow, dans toutes les autres choses que je fais aussi. Je préfère qu'il y ait un contenu, qu'il y ait quelque chose d'intelligent sous un gag, même si c'est drôle, c'est pas obligé d'être nono, là. Puis j'aime bien passer des idées parce que l'idée devient comme un matériel qu'on utilise. Puis j'aime faire ça parce que c'est comme un élément de design pour moi. Il me semble que c'est plus satisfaisant quand il y a un contenu. Tu sais, c'est plus satisfaisant à faire, mais c'est plus satisfaisant à lire aussi. Moi, je préfère lire de l'humour qui... qu'on a l'impression qu'on a un cerveau. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, des trucs d'humour, des fois qu'on lit, on se dit, ben voyons, il nous prend pour une bande d'imbéciles ou quoi. Là. Tu sais, je veux dire, il faut prendre en compte le fait que les gens ont un cerveau, qu'ils sont capables de penser. Et puis que si on fait des trucs qui sont juste drôles, des pleurs de bananes, des trucs de même, puis il y a rien en dessous, à un moment donné, ça devient... ça manque d'intérêt. Et j'ai l'impression, en fait, la façon dont on les reçoit aujourd'hui, en fait... D'un côté, en fait, il y a une réaction où on se dit, ben OK, ça fonctionne encore, ça marche encore, ça a pas vieilli d'une certaine façon. Et parallèlement, on se dit aussi, ben, en analysant les propos qui sont là, ben que d'un côté, les débats qu'on avait à l'époque, les réflexions qu'on avait à l'époque sont toujours actuelles, ce qui fait aussi, ce qui accentue le côté que ça vieillit peut-être mieux, justement. Et parallèlement, ça devient aussi le témoignage d'une époque, d'une quinzaine d'années, finalement, d'événements, de réflexions, de débats sociaux qu'il y a eu au Québec aussi. Donc, ça joue à plusieurs niveaux. Oui, ben c'est ça. C'est, quand je regardais le choix que... Patrick Merlot avait fait des pages. Au début, ça m'a surpris qu'il ait choisi des pages où il y avait des personnels politiques de l'époque. De temps en temps, je faisais parce que je fais de la caricature aussi. Alors, ça arrivait parfois dans Crow que j'allais faire une bande dessinée avec des personnages politiques du temps, René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau, etc., Robert Bourassa. Je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Puis j'ai réalisé que finalement, je pense qu'il avait raison parce que effectivement, quand je faisais ces bandes dessinées-là, en général, j'essayais de leur donner un côté intemporel. Je veux dire, ça faisait partie du concept de l'affaire. Je voulais pas faire des trucs sur de l'actualité qui seront plus vrais l'année prochaine. Pas parce que je pensais à faire des albums ou à garder ça en vie pendant des années, mais c'est juste que, je sais pas, il me semble que c'était plus le fun si c'était un peu plus universel. Puis j'essayais de toucher le plus grand nombre de gens possible aussi. Puis j'imagine qu'il y avait la structure mensuelle, dans la mesure où on n'était pas sur l'actualité quotidienne, mais sur l'actualité sur un mois, sur une période un peu plus longue, sur une saison. Mais en fait, ce que je faisais, si je me souviens bien, dans Crow, c'est que Crow, c'était un magazine qui avait un thème tous les mois. Et puis, je leur demandais qu'est-ce que c'est le thème du mois. Ils me le disaient. Puis moi, je partais de ça, puis je travaillais avec ça. Mais c'était... J'essayais de le faire d'une façon qui amenait pas de référence trop directe à des choses trop temporelles. C'est de rester autour, en fait, d'une certaine façon. Oui. Ben, c'est parce que, en fait, c'était de la satire sociale. Mm-hmm. Puis, effectivement, il y a des choses qui étaient vraies dans le temps, qui le sont encore maintenant. Sauf que, à l'époque, dans les années 80, ce n'était pas la mode de parler de pollution. Aujourd'hui, l'environnement, c'est le contraire. Je veux dire, si tu n'en parles pas, tu es à côté de la plaque. Mais à l'époque, c'était... dans les années 80, surtout au début, les gens, pour eux, l'environnement, la protection de l'environnement, c'était juste pas jeter tes liqueurs par la fenêtre, tes liqueurs vides par la fenêtre quand tu t'en allais en auto. Tu sais, c'était à peu près ça. Là. Il n'y avait pas vraiment de conscience. C'est venu plus tard, ça. Alors, j'en faisais souvent des bandes dessinées par rapport à qui parlait de l'environnement, parce que je trouvais que c'était un super bon sujet, puis qu'il n'était vraiment pas traité beaucoup, puis je trouvais que c'était comme une vérité dont on ne parlait pas, une vérité cachée. Une volonté. Parce que le monde, on le savait déjà qu'on était en train de détruire la planète. Donc, je suis comme un écologiste, je ne suis pas écolo du tout, là, mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'est un petit peu, là, on le sait, là, qu'est-ce qui s'en vient, on a juste regardé la température, les changements... climatique, tout ça, on le voit bien. Là. Oui, puis à l'époque, une volonté de brasser un peu la cage aussi, de dire, bon, OK, voici ce qu'on est, voici ce qu'on fait sur l'environnement, sur la sexualité, sur la politique, ouais. Sur la vie de couple, sur la vie de famille, sur la télé, les médias, la violence, la province, etc., la violence. Oui, c'était... tous ces sujets-là étaient... il se passait beaucoup de choses. Je pense qu'on est dans une société qui ressemble encore beaucoup à ce que c'était à l'époque. La différence majeure est l'informatique. C'est là qui est la grosse différence entre ce que c'était dans le temps. Alors, Serge Gabriel, on parlait tout à l'heure de la notion justement de cette volonté un peu de brasser la cage d'une certaine façon. Et on la brasse évidemment par les sujets, par les réflexions qui sont portées, mais on la brasse aussi par la manière par laquelle on la porte. Il y a un côté exutoire dans vos BD, dans l'excès, dans les chutes, dans l'hémoglobine, dans la violence un peu qui en ressort. Oui, en fait, c'est drôle parce que c'est arrivé un peu par accident, si on veut, que je suis allé dans cette direction-là, parce que au moment où Crow a commencé, j'avais publié un petit peu, mais bon, pas tellement, puis j'essayais d'entrer dans des magazines de l'époque comme Perspective, des trucs comme ça. Et puis, j'avais remarqué qu'il y avait comme une espèce de petite tendance à faire de l'humour noir. Il y avait des dessinateurs qui faisaient des dessins d'humour un peu morbides. Et puis, j'avais essayé d'en faire un petit peu, puis ça n'avait pas fonctionné plus que ça. Puis quand les gens de Crow m'ont approché pour participer au magazine, qui était encore un projet, après ce qu'ils m'ont expliqué, je me suis dit, ben, peut-être que les trucs un peu du monde noir, ça conviendrait. Et puis là, je me suis assis, j'ai trouvé des gags, et puis finalement, le côté humour noir n'est pas sorti tellement dans les gags eux-mêmes, mais plus dans... À un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai un style de personnage, j'ai un style de dessin très en rondeur, très bon enfant, si on veut, des formes rondes, sympathiques. Mm-hmm. J'essaie de faire ça pour... il me semble que c'est une façon le fun de passer des idées, puis l'expression des personnages est importante. Mm-hmm. Tout ça, puis je me suis dit, mes personnages vont, s'ils se font mal, ben ils vont saigner. Mettons si un personnage est blessé, ben ce sera pas comme dans les autres cartoons, parce que ça, c'est une chose que j'avais jamais vue non plus. Dans un cartoon, si un personnage se faisait couper le bras, par exemple, dans un Bugs Bunny ou je sais pas quoi, ben ça ressemblait à un boudin, là, mm-hmm. Un saucisson. Il y avait jamais de sang nulle part. Puis je me suis dit, ben il n'y a pas de raison. Ils sont peut-être des cartoons avec des gros nez et des grands yeux, mais c'est quand même des êtres humains. Puis dans les êtres humains, il y a du sang. Je suis pas un amateur de gore, là, des films d'horreur, ces trucs-là, j'aime pas ça. Je voulais pas faire peur ou créer une réaction de recul ou quoi que ce soit. Mais je trouvais que le contraste entre le dessin, mm-hmm. et puis le fait que les personnages pouvaient saigner, là, ben je trouvais le contraste intéressant. Puis des fois, ça provoquait un effet de choc qui aidait le gag à passer. Bien, moi, je l'utilisais comme un moyen de créer comme une espèce de, de crochet visuel de, pour attirer l'attention du lecteur ou pour créer une espèce de, d'effet de surprise. Oui, puis d'une certaine façon, de se mettre le moins de barrières possible pour être au service du gag, dans la mesure où on peut aller loin graphiquement, on peut aller loin narrativement. Ouais. Dans une époque aussi, j'imagine, qui permettait d'aller loin peut-être un peu plus que si vous essayiez de refaire ça. Mais aujourd'hui, si vous commenciez demain avec cet univers-là, probablement que la réception ne serait pas la même que fin 70, début 80. En fait, non, parce que, c'est parce que ça a été fait beaucoup depuis. Mais à l'époque, je n'avais jamais vu. Là, j'avais l'impression qu'on s'en permettait plus aussi, ou qu'il y avait moins de politiquement correct. Est-ce que... C'était très politiquement correct aussi. Évidemment, aujourd'hui, vraiment, on vit dans une époque particulièrement un peu intense sur le plan du politiquement correct, qui est causé par quoi exactement, je ne sais pas trop. Il y a toujours un effet de balancier là-dedans. Je dis souvent que, à mon avis, ça devrait pas être trop long. Là, j'ai l'impression, peut-être une dizaine d'années, on va être obligé de porter des casques de sécurité pour se promener dans la rue à pied. C'est-à-dire parce que, tout est toujours... D'abord, tout est toujours dangereux. Il y a toujours quelqu'un... Ça me fait penser au, à ce dont vous parliez tout à l'heure dans les nouvelles à propos de Spiegelman, de Mars de Spiegelman, qui a été interdit en Russie parce qu'il y avait une croix gammée sur le... Tu sais, C'est exactement ce genre de choses-là qu'on vit souvent, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont interdire la croix gammée, de montrer la croix gammée parce qu'il ne faut pas montrer une croix gammée pour faire de la propagande. Sauf que le livre de Spiegelman est tout sauf de la propagande nazie. Mm-hmm. C'est exactement le contraire. Là. En faisant ça, tu te tires dans le pied. T'sais. C'est que... À l'époque aussi, il y avait des choses comme ça. Quand on voulait faire de l'humour, comment je pourrais dire, par exemple, l'histoire que Yvon Deschamps raconte souvent à propos de ses monologues sur les femmes, qui étaient où est-ce qu'il faisait semblant d'être un gros macho, puis il en mettait. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui, de l'époque, de féministes très militantes, qui prenaient ça tel quel, là, au pied de la lettre, puis qui ont fait toutes sortes de problèmes à cause de ça. Et je pense, en fait, il y a Pierre Huret dans le quatrième de couverture qui dit justement qu'il y avait eu des plaintes, qu'il y avait des réactions et qu'il y avait à justifier un peu des voies défendre l'utilisation de la violence dans vos BD. Oui, mais ça, c'était récurrent, c'est-à-dire que souvent, ça m'est arrivé des fois de me faire demander si j'avais pas un peu de problèmes d'éthique morale avec le fait que j'allais à toute fin utile traumatiser une génération entière en leur montrant. Mais je veux dire, moi je répondais toujours oui, mais avez-vous vu qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision, avez-vous vu les films? Puis c'est encore plus vrai maintenant, je veux dire, les jeux vidéo auxquels les gens jouent, même les enfants, où est-ce qu'ils tirent sur des bonhommes qui explosent en... C'est des millions de fois pire que mes bandes dessinées. Là. Tu sais, je veux dire, puis à l'époque, on parlait de ça pareil comme si c'était... pas tout le monde me parlait comme ça, mais je veux dire, c'est comme si cette affaire-là, que moi je considérais comme plutôt anodine dans mes bandes dessinées, comme un moyen de créer un effet de surprise, est devenue... comme l'affaire la plus importante. Dans les premières années de Crow, les jeunes venaient me trouver, hey, moi, j'aime ça quand t'es bonhomme, saigne, c'est le fun, tu sais. Alors, moi, je me creusais la tête pour essayer de faire de la satire sociale, de mettre des idées intéressantes, de passer des opinions. Puis, mais les bonhommes saignaient. Mais l'important, c'est que les bonhommes saignaient. Puis, par opposition à ça, je rencontrais quelqu'un, je faisais une entrevue avec une journaliste, ça. Puis là, la conversation, inévitablement, ça s'en allait là-dessus. Puis là, je me faisais dire que je influençais la jeunesse et blablabla, puis que la violence, c'était pas une bonne affaire, qu'il fallait pas montrer la violence. Puis là, j'avais beau dire oui, mais des fois, dans mes bandes dessinées, je veux dire, ça fait pas l'apologie de la violence. C'est pas parce que les personnages vont avoir une réaction violente que ça veut dire que je suis d'accord avec la violence. T'sais. Alors, effectivement, il a fallu... Moi, que je défende ce truc-là beaucoup au cours des années 80. Mais je m'en occupais pas plus que ça parce que je continuais à le faire pareil. Oui, en fait, puis c'est devenu, en fait, c'est la mécanique que ça apportait qui est devenue un peu votre marque de commerce aussi, d'une certaine façon, la liberté de création que vous donnez, puis avec le, ouais. cette juxtaposition-là qui est très efficace, en fait, entre justement le trait plus naïf, plus simple, avec justement le côté réaliste, entre guillemets, mais encore là, complètement excessif. Ouais. Et ça devait être, dans une certaine mesure, le fait de pouvoir se donner un jusqu'au boutisme, mais bon, oui. à défaut d'un meilleur terme, ça devait être un bel exutoire aussi pour les dessinateurs quand il y avait quelque chose qui vous choquait viscéralement, mais de pouvoir dire, OK, je l'y vais à fond, puis je vais essayer de créer cette réaction-là de dégoût, de frustration intense que moi, ça provoque chez moi, ouais. la provoquer chez le lecteur aussi, puis de brasser justement un peu comme ouais. moi, je me sens brassé par ça. Ah oui, ça aidait le message à passer, ça provoquait une surprise, ça faisait... Puis je pense qu'effectivement, ça fonctionne encore, tu sais, mm-hmm. C'est une bonne idée que j'avais eue, je pense. Et qu'est-ce qui fait, Serge Gabouret, qu'à un moment donné, justement, il y a un déclic qui se fait, qui dit, OK, j'ai trouvé ma table d'une certaine façon, j'ai trouvé un peu un univers... peut-être graphique au sens large, parce que vous faites évidemment d'autres choses, vous avez poursuivi aussi dans plusieurs autres médiums, faites plusieurs styles de BD aussi, mais peut-être au niveau du trait, justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, OK, ça, c'est mon trait, je suis confortable, je vais pousser la recherche autour de ce point-là, sans ouais. nécessairement non plus arrêter d'apprendre, d'évoluer, etc., mais que ça va être ça, ma base d'opération, si on peut dire. OK, mon Dieu, ça c'est une question... très vaste, parce que c'est une question que vous pourriez poser aussi à un peintre, à n'importe oui. Qui fait de la création visuelle, mais je pense que ça dépend... Je pense que la recherche d'un style visuel, un style graphique, c'est un petit peu la recherche de ce qu'on est capable de faire, finalement. Moi, j'ai connu des dessinateurs, même pendant que j'étudiais en art, qui avait un talent d'illustrateur presque inné, qui était capable de dessiner n'importe quoi de façon très réaliste, de faire il possédait la composition de façon innée, etc. Chez moi, c'était pas comme ça. C'était j'étais une espèce de mélange. Je suis capable de trouver mes propres idées et de les dessiner de façon efficace. Mais je suis pas un, comment je pourrais dire, non. Je ne suis pas un grand styliste en fait de dessinateur, mais j'ai créé un style. Quand je me suis aperçu que je réussirais jamais à créer un style qui allait redéfinir le style de la bande dessinée mondiale, je me suis dit, ben je vais me contenter de faire le style le plus efficace possible pour passer mes idées puis pour faire rire les gens. Tout ce que j'ai fait pour développer mon style était dans le but de créer un effet visuel drôle. Alors, c'est pour ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stylisme dans la bande dessinée actuelle. On sent que c'est une préoccupation qui est très importante mm-hmm. pour les dessinateurs, d'avoir un style moderne ou inattendu ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais que probablement qu'il y a beaucoup de dessinateurs actuels qui doivent considérer que mon style est vieillot, mais entre nous, je me faisais déjà dire ça quand j'ai commencé en 79. T'sais. Mon style était déjà vieillot quand j'ai commencé, parce que j'accordais pas vraiment d'importance à la mode, que ce soit la mode vestimentaire ou la mode des... que ce soit de... À un moment donné, je me souviens, dans les années de 80, Crow, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis... vas-tu commencer à dessiner les mains plus petites, les pieds plus petits? J'ai dit, comment, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, t'as pas vu dans tous les dessinateurs, en tout cas, beaucoup de dessinateurs faisaient ça. C'était comme devenu une mode. Tout le monde faisait des petites mains, des petits pieds pour donner comme une espèce de style à leur dessin. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dessiner mes pieds plus gros peut-être pour un ou deux numéros de Crow, après ça, je suis revenu à ce que je faisais. Parce que quand j'essaie de mettre des éléments de style comme ça dans mon dessin. En fait, quand on crée un style comme ça, le plus difficile, c'est de le maintenir. Mm-hmm. Puis moi, j'ai de la difficulté à maintenir ça. Donc, je me contente de dessiner comme je dessine. Au service de la mise en scène, d'une certaine façon, au service de l'efficacité, au service du gag. Oui, c'est ça. Au service que, du message, que le message passe, je fais attention, je suis préoccupé par la composition, puis l'expression, mm-hmm. puis le timing, puis toutes ces choses-là. Mais le style lui-même, souvent, ces choses-là, ça m'agace un petit peu. Je trouve qu'il y a un petit peu de maniérisme là-dedans. Il y en a qui le font très, très bien, qui le réussissent très bien, mais il y en a d'autres qu'on sent qu'il y a comme... c'est comme si l'auteur, il décide de créer une manière de dessiner, puis là, il s'en tient scrupuleusement à sa manière de dessiner. Puis en même temps, j'imagine que le fait aussi de travailler évidemment pour Crow, mais éventuellement, en fait, ça fait rire, les débrouillards, la télévision, je pense, Radio-Canada, l'Union fait la force, la terre de chez nous, etc., ben, ça, 7 jours, dessin éditorial, ça nécessitait de partir, si on peut dire, de votre mécanique, de votre approche, mais aussi de l'adapter oui. aux réalités du magazine, de trouver des manières de le recentrer pour répondre oui. à la demande, au contexte dans lequel vos dessins se trouvent. Oui, parce que là, si on parle de ce que j'ai fait dans Crow, mais pour moi, Crow, c'est un projet. C'est un projet qui a duré pendant 15 ans. J'ai fait ce type de bande dessinée-là pour Crow pendant 15 ans, mais... Après, quand Crow s'est arrêté, j'ai commencé à travailler pour les débrouillards. Là, j'ai fait quelque chose de quand même assez différent parce que je m'adressais à un public plus jeune, mm-hmm. mais que j'ai adoré faire. Puis les aventures de Glick et Gluck dans les débrouillards, je les fais encore, puis j'adore faire ça. Puis je pense que c'est une des bonnes affaires que j'ai faites. Les jeunes aiment ça. Le public se renouvelle à peu près aux 3-4 ans, puis ils continuent à le lire, puis ils aiment ça. J'aime ça travailler pour les enfants aussi. Mm-hmm. Je vais commencer une nouvelle série dans le... magazine, le petit frère des débrouillards, là, les explorateurs. Commencer une nouvelle série à l'automne. Là. Et est-ce que, justement, pour ceux-là, parce que je pense à Glick et Gluck, justement, pour les débrouillards, ou la terreur, pour la terre de chez nous, dans le ouais. fond, le fait de se centrer sur un nouveau personnage, dans un côté, c'est noir et blanc, d'un autre côté, avec des personnages, puis une thématique, est-ce que ça aide un peu à recentrer un peu les sujets, à recentrer l'air d'aller par rapport à ces projets spécifiques-là? Pour les distinguer des autres projets précédents ou pour se réinspirer, peut-être? Ben, c'est comme si... je pense que ça se fait de façon un peu naturelle. Au début, on essaie de donner un caractère particulier à ce qu'on fait pour un magazine particulier. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, les gens des magazines préfèrent... Par exemple, quand j'ai commencé à travailler pour Safarir après Crow, ils ne voulaient absolument pas que je fasse le genre de truc que je faisais dans Crow. Il ne fallait pas... Il voulait pas des gags en une page, il voulait pas, il en voulait pas. Même s'il aimait ça, mais il voulait que ça soit différent ce que je faisais pour Safari. Puis même, à un moment donné, ça m'a choqué un petit peu parce qu'il est arrivé un autre dessinateur qui lui s'est mis à faire ce que je faisais dans Crow. Mais moi, j'avais pas le droit de le faire. J'en ai fait la remarque, mais ça a pas eu d'effet dans le temps. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai fait des pages. Avec plusieurs gags en un ou deux ou trois dessins. C'est une formule que j'utilise encore. Même je le fais dans Délire, cette formule-là, de façon un petit peu différente aussi. C'est le fun aussi. Tu sais, je veux dire, des fois, des choses comme ça stimule à trouver autre chose, finalement. Oui. Mais en fait, chaque projet s'influence. Puis j'imagine aussi du web à la télévision, en passant par le magazine, ben nécessairement, tout devient un peu... fournir, faire évoluer votre manière de dessiner, votre pratique, oui. etc. Ben moi, en fait, toutes ces choses-là dont vous me parlez, j'ai eu autant de plaisir à les faire, même si elles sont toutes très différentes. Mm-hmm. Quand je fais de la caricature éditoriale pour La Terre de chez nous, j'en ai fait pour Le Soleil aussi à l'époque. J'ai toujours aimé ça, faire ça. Faire de la caricature, puis trouver des gags politiques, puis tout ça. C'est dans un autre registre. Mais je me souviens quand j'étais dans Crow, le propriétaire à l'époque de Safarir, il voulait me faire transférer de magazine. Puis il m'avait fait venir au locaux de Safarir, puis il m'avait fait une espèce de présentation. Puis il m'avait dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'avait dit, nous autres, on ne te forcera pas à faire de la bande dessinée violente dans notre magazine parce que à ce moment-là, je faisais de la caricature dans Le Soleil, et puis il m'a dit, toi, ce que tu fais vraiment bien, c'est des trucs comme ce que tu fais dans Le Soleil. Alors pour lui, ce que j'avais fait de meilleur, c'était ces caricatures-là, dont probablement personne ne se souvient maintenant parce que ça fait trop longtemps, mais dans le temps, il y avait beaucoup, quand même du monde qui les aimait. Et puis, donc, Moi, j'avais autant de plaisir à faire un clôtre, mais il y a des gens qui vont me dire, cette période-là, par exemple, ce que tu as fait dans Croc, tu n'as jamais rien fait d'autre de meilleur. Mais c'est une question de sensibilité aussi. Ça dépend comment on reçoit, quel regard on porte, etc. C'est ça. Et peut-être, en fait, aussi, il faut dire, ces temps-ci, on parle beaucoup du magazine Croc avec bon le succès des intégrales, Red Ketchup, Michel Risque, etc. Il y a le livre Les années Croc. Il y a un peu un gros regain d'intérêt qui a été amené, j'ai l'impression, ces derniers temps autour du magazine où on se rend compte de la richesse qu'il y avait là. Puis où peut-être, on parle beaucoup d'un deuxième printemps de la bande dessinée québécoise, mais on a envie de revoir un peu ce qui a été fait dans la naissance ou la naissance de la bande dessinée québécoise moderne, d'une certaine manière. Ben oui. Oui, puis ça a été oublié quand même pendant un bon bout de temps, puis je pense qu'il y a encore du monde qui s'en souviennent pas. Malheureusement. Oui. Et justement, parce que vous dans votre parcours, Serge Gaboury, vous avez vu la naissance et la renaissance, on pourrait dire, donc deux périodes quand même assez, deux dynamiques extrêmement différentes dans l'univers de la BD, mais où la BD a pris une première fois, disons, la grande place, s'est professionnalisée, puis une deuxième où la bande dessinée reprend un peu plus de place aussi après un petit creux de vague, côté du moins attention populaire, là. Oui. Ben en fait, ce que j'ai vécu surtout, c'est le avec la naissance de Croc. Ben en fait, c'est que ça a permis à un certain nombre de dessinateurs de vivre de leur métier. Parce qu'on avait on publiait des pages, on était payé, puis ça nous faisait comme une base pour se construire un revenu. Puis là, le fait qu'on avait des pages dans Croc, il y a des gens, des organismes qui ont commencé à s'intéresser au cartooning. À l'époque, il y avait des beaux contrats qui se donnaient de la part du gouvernement, des syndicats, des organismes parapublics, des choses comme ça. Et puis, ce qu'ils faisaient, et les magazines aussi, ils pensaient aller jusque-là, ils pensaient en termes de photographie, ils pensaient en termes d'illustration, mais ils pensaient pas en termes de cartoon. Quand le magazine a commencé, ils se sont dit, il y a des cartoonistes aussi, on pourrait leur demander des choses particulières. Puis le catalogue, c'était le magazine. C'était le magazine Croc. Là. Ils prenaient le magazine, ils regardaient, tiens, on va l'appeler lui. Là, ils appelaient au magazine, demandaient le numéro de téléphone, puis ils nous appelaient. Puis ça a contribué à aider plusieurs dessinateurs à vivre de leur art. Donc, on est comme devenu professionnel, mais on était aussi, la qualité professionnelle était là. Donc, on était un peu comme la première génération en termes de groupe. Il y en a eu d'autres avant, je pense à Albert Chartier puis plusieurs autres, là, faut pas les oublier, mais une espèce de milieu de la bande dessinée, c'est là que ça a commencé, là, le fait qu'il y ait un certain nombre de dessinateurs qui en vivent. Et puis Croc a amené Safarir, qui a amené Délire, qui a la base est là. C'est ça, il y a eu d'autres, toute une belle gang d'excellents dessinateurs qui sont apparus chez Safarir, qui ont fait du travail extraordinaire, mais dont on parlait pas, on n'a pas beaucoup parlé de ce qui s'est publié en magazine et en périodique. Moi, je dis souvent, on dirait que ça... Si c'est pas publié en album, c'est comme si ça n'existait pas. Je veux dire, pourtant... Quand tu publies dans un mensuel, ben tu rejoins au Québec, tu rejoins beaucoup plus de monde que quand tu publies dans un album. T'sais. Ça a toujours été ça, moi, qui m'a semblé paradoxal là-dedans. Alors, à côté de ça, il y avait des albums qui paraissaient, qui pouvaient être peut-être lus par 200 personnes. Et puis eux, on en parlait, puis c'était intéressant, puis tatata, puis c'est ça. Puis là, il y a eu comme une espèce de passage, de changement de focus dans le milieu de la bande dessinée québécoise, qui a été dû à je sais pas qui, peut-être les commentateurs ou les gens qui tournaient autour, je sais pas quoi, là, ou peut-être les auteurs eux-mêmes, qui fait qu'au début, quand on a commencé dans Croc, il n'y avait comme pas d'ambiguïté, c'était ça, la bande dessinée québécoise, c'était ce qu'on publiait dans les magazines, puis on faisait des albums aussi, puis on parlait d'à peu près tout le monde. Puis à un moment donné, ça n'a pas été tellement long, peut-être une dizaine d'années plus tard, là, ce qui se faisait dans les magazines, on n'en parlait plus. La seule bande dessinée importante et intéressante sortait dans les albums. Fait que ça a comme, depuis cette époque-là, moi, je trouve qu'il y a eu comme une espèce d'image un peu distorsionnée de ce qu'est en réalité la bande dessinée québécoise. Il y a tout un pan de la bande dessinée québécoise qui a été comme oublié, alors que c'était peut-être cette partie-là de la bande dessinée québécoise qui a touché le plus grand nombre de gens, qui a été vue par le plus grand nombre de gens, puis qui était la plus vivante par le fait même. Parce que quand tu fais une page de bande dessinée, qu'elle est publiée à je sais pas moi, même si ce n'est pas des gros tirages de 20-25 000 exemplaires, quand même, ce serait juste 10 000, 15 000, puis qu'il y a à peu près deux personnes par magazine qui lisent, ça commence à faire du monde. Alors que si tu prends les mains d'une bande dessinée, tu fais un recueil avec, puis que tu en vends 400-500 copies, tu sais, je veux dire, ça touche pas mal moins de monde, là, tu sais. Et à travers donc, c'est moins vivant, à mon avis. Et à travers ça, est-ce qu'on a l'impression que des recueils comme celui qui a été lancé récemment du côté de Perrault, est-ce que ça permet un peu de faire peut-être revivre ou de rappeler aux gens qui n'ont pas connu cette période-là ou de rappeler justement la richesse de ce pan-là, oui, de devenir une invitation à l'exploration aussi de ce qui se fait dans le côté des périodiques? Ben en fait, c'est pas ce que je dis, c'est pas une condamnation de l'album. Je trouve ça... D'abord, c'est sûr que l'album... que j'ai fait chez Perrault, c'est le fun parce que c'est des pages qui ont pas été vues depuis longtemps. C'est un peu le même principe que quand tu sors un album puis qu'il sort, ça a été fait, la bande dessinée a été faite spécifiquement pour l'album. Là, c'est presque comme si c'était du nouveau, c'est presque comme si il avait jamais été publié parce que ça fait tellement longtemps qu'il a été publié. En plus, c'est un super bel album, il est bien. Très bien édité, puis il est pas cher, tu sais, vraiment, là, pour la qualité. Tu sais, le papier, c'est un des plus beaux albums, moi, que j'ai jamais vu. Je veux dire, Perrault, il a vraiment fait une belle job d'édition. Fait que moi, c'est pas une condamnation de l'album ou du concept de faire des albums de bande dessinée, c'est pas ça. C'est que, à quelque part, je trouve ça dommage que parce que le côté de l'album a commencé à se développer, qu'on ait arrêté de parler de ce qui se faisait en périodique, puis que c'est comme si ce qui a été publié uniquement en périodique, en magazine ou en journaux pendant toutes ces années-là, c'est comme si c'était moins, ça avait moins de valeur, puis que ça avait jamais existé. Ça, c'est pas normal, là. Il y a des gens qui commencent à s'y intéresser puis à faire des études là-dessus puis à en parler un petit peu plus, puis c'est une bonne chose. Mais il s'en est publié, pas juste dans Crawl. Si on regarde toutes les safaris, ça se vendait, là, c'était des très grandes quantités à un moment donné. Puis il y a des excellents dessinateurs qui ont passé là-dedans, puis il y a eu des très bonnes bandes dessinées, il y a eu des très bons auteurs d'humour. J'ai collaboré avec ces gens-là, puis c'était vraiment des humoristes extraordinaires. Puis Délire, c'est pareil, puis bon, juste ce qui s'est publié en bande dessinée dans Les Débrouillards, ça en est publié un méchant paquet de pages. Il y aura un peu de potentiel de recueil assez massif pour garder un peu ces planches-là. On remplirait les librairies, il n'y aurait plus de place pour rien d'autre. Mais c'est parce que c'est toujours problématique c'est compliqué d'éditer un album à partir de pages qui ont paru dans les magazines parce qu'au départ, il y a tellement de monde qui en font de la bande dessinée puis qui sont prêts à faire un album de bande dessinée au complet qui n'a jamais été paru qui n'a jamais paru ailleurs pour, à toute fin utile, pour rien, tu sais, ou presque rien. Je comprends pas comment... Je veux dire, j'imagine que ces gens-là doivent avoir des jobs ailleurs, ils font des autres choses, etc., etc. Mais c'est extrêmement... pour les éditeurs, c'est vraiment un bargain parce que, je veux dire, ils ont plein de beaux produits qui leur sont offerts par des gens très, très talentueux. Et puis, tu sais, je veux dire, ils sont pas obligés de payer les dessinateurs pour le faire, là. Et à travers ça, évidemment, Serge Gabouri, on invite les gens à voir d'un côté les 15 années que vous avez fait au fil de Crawl avec ce recueil-là du sang et de l'encre. Et évidemment, en parallèle, à voir aussi ce que vous faites actuellement. Vous avez un site web, en fait, donc on a simplement à mettre Serge Gabouri sur notre engin de recherche préféré. On va tomber là-dessus. On voit où on vous trouve. On vous trouve un peu partout, j'ai envie de dire ça. Et, Monsieur Gabouri, merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Ça me fait plaisir. Puis en fait, il me reste encore 4 pages de questions, fait qu'on se dit à la prochaine, je pense. D'accord, OK. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie.